Et mec, connexion 1393, c'est Tony de Marseille, empathique, incorrupt record, la même zig pour décrire la même merde. Marseille, Tony. Je garde un œil sur les traîtres, la main sur le mic, je protège derrière moi. Ici on est dernier à l'école, mes premiers dehors à faire les cons, vouloir faire les comptes et esquiver le flair des comptes condés. On a fin d'un compte comblé, ça se passe maintenant, faut pas rater l'occasion. Pas rater le coche, on reste éloquent, évoquant qu'ici l'amour chaque jour un peu plus fout le camp. Faut lever le camp, on est trop crusté et nos mères trop attristées. On va sentirer quand, je me sentirai quand je trim. Être brave, je me sentirai quand je rime. Et quand je rime vers bien, je suis attiré. Sinon dans la tête ça s'en mêle, de ta vie ça se mêle. Ça se ment et se tape quand ça se mate. Où on va ici dégueulser, le mic comme des gainsers. Qu'on veut se tailler là où des gainsers. Avant cerné par les flics, maintenant les yeux cernés par les nuits blanches. Dans les deux camps on reste haineux et salit les feuilles blanches. Haigneux, à l'affût monté, les poches remplies de niente. Feinté par les temps, on subit le mot chienté. Quand y'a rien, reste tes proches et ton toit. Pour t'en tirer contre sur des gueules, cette force est qu'en toi. Tony, on fait du rap de l'ombre et pour les frérots ça sert. L'État nous a baisé, on lui renvoie l'ascenseur. Faut pas donner l'impression qu'on empathie, mec. C'est Tony de Marseille pour un corrupt et empathique. On fait du rap de l'ombre et pour les frérots ça sert. L'État nous a baisé, on lui renvoie l'ascenseur. Faut pas donner l'impression qu'on empathie, mec. C'est Tony de Marseille pour un corrupt et empathique. La rue s'envole et manifeste par une des seules voix qu'elle a le son. Je sens qu'elle a le seum, qu'elle aime pas les leçons. Je laisse parler le son, ça fait partie du décor. La rue sale, mais pas saison pour ce parti dans le décor. Comme l'avenir qui nous prépare. Ne fais rien pour qu'à 6 heures de ta famille te sépare. Dix sa mère, c'est faux brasser pour qu'on se régale. Des gains à égaler, j'ai pas le bras long et je mérite pas de galon. Le peuple cesse et voir ça nous a enragé. Toujours des mecs de rue, même si le sang nous a enragé. Gench à cause du système, nos proches d'espoir se désarment. Mike et moi, j'ai fait le joie des armes. Regarde la crasse sur les murs, pousse les frères à viser plus d'argent. Mais tous tombent à cause des fils de pute d'agents. Je mettrai pas la vérité de côté pour d'état. Kain et l'ordre, je décris la rue dans tous ses états. Tony, on fait du rap de l'ombre et pour les frérots ça sert. L'État nous a baisé, on lui renvoie l'ascenseur. Faut pas donner l'impression qu'on empathie, mec. C'est Tony de Marseille pour un corrupt et empathique. On fait du rap de l'ombre et pour les frérots ça sert. L'État nous a baisé, on lui renvoie l'ascenseur. Faut pas donner l'impression qu'on empathie, mec. C'est Tony de Marseille pour un corrupt et empathique. Regarde ce que l'État qui subira ses habitants sur ma feuille j'étale. J'écris la rue dans tous ses états. On veut faire comprendre aux petits frères que le mental c'est mieux que le métal. Plus rien m'étonne, on a faim d'étal. Ils veulent qu'on périsse, qu'on pourrisse, qu'on soit dans la merde, dans nos risques et périls jusqu'à la fin des temps. Mais on est là, mec, c'est de mon orage qu'on est armé. L'alarme à l'œil, jamais. On fait du rap de l'ombre et pour les frérots ça sert. L'État nous a baisé, on lui renvoie l'ascenseur. Faut pas donner l'impression qu'on empathie, mec. C'est Tony de Marseille pour un corrupt et empathique. On fait du rap de l'ombre et pour les frérots ça sert. L'État nous a baisé, on lui renvoie l'ascenseur. Faut pas donner l'impression qu'on empathie, mec. C'est Tony de Marseille pour un corrupt et empathique. Tony de Marseille, 1393. La même zig pour décrire la même merde. La famille prod, Tony, le mec. Marseille, la même zig pour décrire la même merde. Les mêmes endroits sales, donc la même souffrance.